métier ménage, livrer les marie-claire. Moi, pas que ça pour me suivre, c'est ça qui fait que moi, pas j'en content. Moi, gagne un petit ménage, livrer les marie-claire. Moi, pas que ça pour me suivre, c'est ça qui fait que moi, pas j'en content. Ménage la bête en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Monsieur Fanta Wessa, ménage la bête en forme. La lave marche dans la rue, mon capable cadeau bébé caboulé. Maman, j'en viens grand mon nom, qui gagne mauvais manière. Moi, pas faire ni confiance, qui retourne, c'est la mer. Quand mon remet du tabac, quand mon remet du café. Quand mon remet mon pédel, m'a chargé pour la caméra. Ma vie que j'ai ri, oui, j'en connais maman, remet. La j'ai fait que pour ta vie. Aïe, ma vie tout la Marie. Si la foule dans côte ti bonhomme dans regardez qui parole ça avec des petits pas chèvre dit en ville manquer deux petits dans devant regardez grand monde regardez non grand monde on connait chaque douleur rien ou pas bon moi j'ai un petit bolé au bout petit bagaille douce qui pour permettre vaciller ti cadavre corps vous comprendre moi Kalongo, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite, absurdité, l'inconduite. Ah, regardez non, combat gars qui pourrait jouer là. regardez non, c'est mettre comme sur côté ou tandis pas jeune gens avec jeune fille pour embaucher parce que rite ça me pas croque ca kembel malé. Son autre bagaille seulement au moins des saucisses. Pas-t-il pour prendre mon jeune garçon parce que le papa bon à toi garder tes jeunes hommes non garder mettre bouche dans oreille ti grand mon nom dans des salles il tendait chérie alors c'est jalousie ça fait rire chérie combien t-il de caoutchouc pompon qui a été usé votre jardin tant de questions pour qui bon arriver posons grand monde. I want that. So, yes. So, yes.